Exercice 2. RTL, il est 9h. Tout d'abord, un rappel sur l'organisation des élections présidentielles. Le premier tour aura lieu le dimanche 22 avril. Le deuxième tour, le dimanche 6 mai. Vous votez en général dans une école située près de votre domicile. L'adresse figure sur votre carte d'électeur. N'oubliez pas que vous devez vous présenter le jour du vote muni de cette carte ainsi que de votre carte d'identité.